Assis sur la plage, je regarde le vide de mon sac de couchage. Seul devant ce feu, je regarde les vagues qui sont noires et moins bleues. Assis dans le sable, les grains collent à mes pieds et c'est désagréable. Seul face au silence, je subis ton absence et je pense à rien. Je me demande si des gens habitent sur la lune. Seul face aux étoiles, j'essaye de les compter, c'est plutôt infernal. Si dans la nuit, je me dis que les crabes sont déjà endormis. Seul face au silence, je n'ai rien d'autre à foutre et je pense à rien. Celui qui veut réfléchir un peu sans se prendre au sérieux. Toutes ces questions me font tourner en rond et ces réflexions font de moi un bon à rien. À rien. Si je n'avais pas cette guitare, je m'enfoncerai dans la déprime. N'aurions pas vécu cette histoire. Alors dis-moi bébé, as-tu seulement pensé que tout ceci ne rime, rime, rime à rien? Non, non, non, non, à rien. Rien.